notre sécurité. Les flics promènent avec des flingues, pas besoin d'être respecté quand tout peut se régler à coup de laser. Pour notre sécurité, on surcharge les prisons et on remercie les suicidés pour la place qu'ils nous font. Sécurité moins que liberté, pour notre sécurité moins que liberté, pour notre sécurité moins que liberté, pour notre sécurité moins que liberté, pour notre sécurité moins que liberté. Pour